Chapitre 4. Et ce fut tout pour les mots. Vint un jeudi. Quand Germaine était malade, elle se raidissait. Je vais tout à fait bien, je vous l'assure. Mais lui, sans se raidir, il allait tout à fait bien, je vous l'assure. Sa tête, soit elle lui faisait mal, là, par derrière, sous l'os, mais il avait ce droit. Pour le reste, tout à fait bien, je vous l'assure. Le jeudi, il passait une heure chez Marie, celle de ses livres, oui. Pas une maîtresse, pas sa femme comme Germaine, une espèce de maman. Germaine le voulait bien, tout à fait bien, je vous l'assure. Quand il entra, Marie cousait des chemises. Qu'eût-elle fait, Marie, sinon coudre des chemises? Plus exactement, dans la chemise, elle surfilait une boutonnière. Elle demanda. « Comment vas-tu, mieux ?»« Mieux, pourquoi mieux ?» Il répondit. « Mais oui, Marie, je vais tout à fait bien, je te l'assure. » Elle pensa à Germaine, elle demanda. « Et chez toi, cela va bien ?»« Tout à fait bien, je te l'assure. » Elle sourit. « Alors je suis contente. Moi, vois-tu ?»« Oui, Marie, je vois tes chemises. » C'était parfait. Elle aussi, elle allait tout à fait bien, je vous l'assure. Chez Marie, il aimait de venir, puis il aimait de s'en aller. Il regarda l'heure à une petite montre qui pendait au mur. Il avait oublié la sienne. 9 heures. Il attendit un peu, il s'informa. C'est de la flanelle? Non, du coton. J'aurais juré de la flanelle. Et de nouveau, il regarda l'heure. Toujours 9 heures. Ah, le temps ne passait pas vite. Il regarda autour de lui. Marie cousait dans sa cuisine. La table, le poêle, une cafetière, naïvement trop grande pour une Marie toute seule, l'évier. Il sentit un petit choc. Il dit « Tu sais, il ne faut pas jeter du marc dans l'évier. »« Bien entendu, fit Marie, je boucherai l'évier. Pourquoi dis-tu cela ?»« Pour rien, Marie. J'ai dit cela comme j'aurais dit autre chose. Cela crée des malentendus quelquefois. » « Ardent l'évier, tu comprends ?»« Non, dit Marie, je ne comprends pas. »« Ne t'inquiète pas, je dis cela pour... » Et pour la troisième fois, elle regarda l'heure. « Tiens, toujours 9 heures. » Il observa. « Elle ne marche pas, ta montre ?»« Non, dit Marie, elle est cassée. »« Bon, cassée. » À cela, rien à répondre. Ce ne fut qu'un peu plus tard. Pourquoi Marie accrochait-elle au mur une montre qui ne pouvait indiquer l'heure puisqu'elle était cassée ? Et puis, on ne casse pas comme cela une montre. Il dit « Peut-être n'as-tu pas donné à manger à ta montre » « Donne-t-on à manger à une montre ?» Non. Il le savait bien comment on fait marcher une montre. Il avait dit cela pour rire, pour gagner du temps, et aussi parce qu'il avait faim. Marie aurait dû comprendre. Elle ne comprit pas. Elle fit celle qui ne comprit pas. Elle achevait une boutonnière. Elle l'approcha de sa bouche et en coupa le fil avec ses dents. Il vit bien. Elle mordit ce fil avec rage. Elle dit « On ne donne pas à manger à une montre !» Et aussitôt, montre fut un mot, avec des roues qui tournèrent pour ronger son cerveau. Ce qui arrivait était juste, mais il ne voulait pas que cela se produisît ici. Il essaya de se défendre. « Ne te fâche pas, je ne te reproche rien, tu es libre. Simplement, je constate, tu as oublié de donner à manger à ta montre. » Cette explication aurait dû suffire. On donne ou on ne donne pas à manger à une montre, puisqu'il donnait, lui, son cerveau à ronger à la montre. À Marie, il ne pouvait le dire. Mais elle n'avait qu'à répondre un petit mot, par exemple. « Tu as raison, je vais donner à manger à ma montre. » Et il n'eût plus été question de rien. Et non, elle fit ce que faisaient les autres depuis quelques jours, elle dit. « Ne blague pas, tu dis des bêtises. » Alors, il fut évident que l'on donne à manger à une montre. Et puis, il ne voulait pas que Marie dise qu'il disait des bêtises. « Je jure, fit-il, je jure que tu te trompes, que vous vous trompez tous quand vous dites que je dis des bêtises. Toi, Marie, tu sais que je ne dis pas de bêtises, que quand je dis « tu as oublié de donner à manger à ta montre », moins que jamais je ne dis des bêtises. » Il s'arrêta. Elle eut le geste de quelqu'un qui laisse là sa couture, parce que son lait se sauve. Le dé tomba, l'aiguille tomba, et la chemise sur le tout. Pourquoi ces chutes l'une après l'autre? Et elle le regardait avec ses yeux comme autrefois quand il se plaignait. « J'ai mal à la tête. Mal, oui, il l'avait. Mais il ne se plaignait pas. Il fallait à tout prix qu'elle comprît que l'on donne à manger à une montre. « Voyons, pourquoi dis-tu ? Un canari, tu lui donnerais des graines. Ton poêle, tu le bourres. Alors ta montre. Peut-être ne t'en souviens-tu pas ? Tu le fais sans y songer. Pourtant, réfléchis. Tous les jours, tu donnes à manger à ta montre. Tu sais bien que tous les jours, tu donnes à manger à ta montre. Tu sais bien que tous les jours, tu donnes à manger à ta petite montre. Que tu donnes tous les jours à manger à ta pauvre petite montre. » Il l'embrassa. Et vous voyez, Marie était bonne. Quand on l'embrassait, elle finissait toujours par comprendre. Elle se mit à pleurer sur les malheurs de cette pauvre petite montre. Elle dit « Eh bien, soit, je vais donner à manger à ma montre. » « À la bonne heure, il fut content. » « Mais que donnerait-elle à manger à sa montre ?» Il fit « Ne pleure pas, dépêche-toi, je suis curieux. » Et voici, elle prit des œufs, elle en prit trois. Elle les cassa dans un poêlon, elle les fit cuire, puis elle les posa devant lui. « Mange, mon petit !» Et elle ne pleurait plus. Ainsi l'heure fut dépassée, il sortit. Il allait tout à fait bien, je vous l'assure. Il allait comme on va quand on a mangé trois œufs. Il avait mangé trois œufs. Alors pourquoi ? Pourquoi quand il rentra, Germaine eut-elle ce mauvais regard ? Il souriait, il se disposait à dire « Bonjour ». Ensuite il l'eut embrassée. Elle le tint à distance. « Eh bien, cela va ? Quelle nouvelle ?»« Quelle question ! » C'était clair, elle connaissait déjà l'histoire de la montre. Elle soupçonnait Dieu sait quoi à cause de l'histoire de la montre. Il expliqua. « Elle ne marchait pas, sa montre, nous nous sommes un peu chamaillés. J'ai dit « Cela ne m'étonne pas, tu as oublié de donner à manger à ta montre. » Ces mots devaient suffire, il n'avait rien fait de mal. Germaine n'avait qu'à répondre « C'est évident. » Il l'y invita. « N'est-ce pas, Germaine ?» Et non. Elle n'avait pas sous la dent du fil à boutonnière où passait sa colère. Elle trancha. « On ne donne pas à manger à une montre. » Pourquoi prolonger cette histoire de montre ? Il précisa. « Mais si, voyons, la preuve, elle a cuit trois œufs. Je les ai mangés. » Elle eut le mauvais sourire des femmes qui ont tort. Elle fit ce que font toutes les femmes qui ont tort. Elle parla d'autre chose. Elle dit « Trois œufs après ton premier déjeuner ?» « Tu es un fameux gourmand. » Elle ne dit pas « gourmand », elle prononça un autre mot, mais par politesse, il interpréta « gourmand ». Alors pourquoi ? Pourquoi disait-elle « tu dis des bêtises » ? Pourquoi niait-elle « on ne donne pas à manger à une montre » ? Pourquoi prononcer un mot que par politesse, il interpréta « gourmand » ? Sa pauvre tête. Il allait si bien, je vous l'assure. Sa pauvre tête. Les mots se remirent à ronger. Et ce qui arrivait était juste. L'après-midi, il sortit. Il avait annoncé à Germaine « Je vais voir mon ami. » L'ami, c'était l'ami, avec un A majuscule. Le seul ami, le cher ami. Comme il était content de revoir le seul ami. Il faisait beau, il marcha vite. Chut ! On ne pense pas aux mots quand on va chez l'ami. On ne pense pas à la montre quand on va chez l'ami. Pas un mot, il ne dirait pas un mot de la montre à l'ami. Quand il fut chez l'ami, il dit « Je me suis querellé avec Marie. » L'ami s'étonna. « Ah, pourquoi ?» Il expliqua. « À propos d'une montre, elle n'avait pas donné à manger à sa montre. » Ainsi, sans le vouloir, il en revenait à parler de la montre. L'ami ne parut pas surpris. Sans doute connaissait-il l'histoire. Il s'informa. « Et vous, que donnez-vous à manger à votre montre ?» Lui, ce qu'il... Depuis des années, il ne s'occupait plus de sa montre. Montre est un mot avec des roues qui tournent pour ronger le cerveau. Il ne pouvait le dire. Il buvait du café. Il supposa au hasard. On donne du café à manger à une montre. Puis il rit, car c'eût été drôle de donner du café à manger à une montre. L'ami rit aussi. Farceur ! Pourquoi farceur ? Il ne précisa pas. Ils parlèrent d'autre chose. L'ami disait des phrases pour voiler le problème de la montre, car ils pensaient tous deux au problème de la montre. Il sortit. Il marchait à travers champs. Il allait tout à fait bien, je vous l'assure. Il ne pensait plus à la montre. Il ne pensait plus aux mots. Les mots sont peut-être des grenouilles qui sautent sans chemise comme des femmes nues dans un pré. Ah ah ! Il traversait un pré et il vit ses grenouilles. Il en prit une. Il avait sous la gorge quelque chose qui battait comme le tic-tac d'une montre. Ah oui, la montre. Il réfléchit. Mon ami a dit « Et vous, que donnez-vous à manger à votre montre ?» Il n'a pas dit « Je ne crois pas qu'on donne à manger à une montre. » Donc, il croit ou ne croit pas. Pourquoi ? Pourquoi comme Germaine ? Pourquoi comme Marie ? Ne pas dire ce qu'on donne à manger à une montre. Il rentra. Germaine, au piano, travaillait son Beethoven. Chère Germaine. Pam, pam, pam, toujours ce grand Beethoven. Il dit. Je ne veux pas t'inquiéter. À toi, je ne parlerai jamais de la montre. Et ce qui arrivait était juste. Il se réserva pour le samedi. Le samedi, il rencontrait d'autres amis chez l'ami. Quand Germaine était malade, ils avaient dit « Méfie-toi, on ne vit pas impunément dans une telle atmosphère. Toi surtout. » Il savait tout, il connaissait l'histoire de Valère. Il connaissait probablement le problème de la montre. Il connaissait certainement le problème de la montre. Il se réunissait uniquement pour résoudre le problème de la montre. Alors qu'en dirait-il ? D'abord, ils ne parlèrent pas de la montre. Ils s'étaient réunis devant lui, ils dirent. Vous allez bien? Reposez? Avez-vous vu un médecin? Tout cela pour gagner du temps et ne parler que plus tard de la montre. D'ailleurs, attention. Voir un médecin. Pour Germaine aussi, ils avaient parlé de voir un médecin, et cet homme à peine entré, dangereuse pour elle, dangereuse pour les autres, il serait prudent de l'enf... Ah non, il n'aurait pas voulu. Il répondit. Je vais tout à fait bien, je vous assure. « Pourquoi parlez-vous d'un médecin ? Vous savez que je ne suis pas... » On attendit, et comme on crie « feu !»« Fou !» Ils rirent tous ensemble. « mais oui, nous savons, vous n'êtes pas... » Puis comme on crie « feu !»« Fou !» Gare, à Germaine aussi, on avait dit « mais oui, nous le savons. » Donc il le traitait en fou. Il pensa que pour Germaine, il avait livré son cerveau, il fit... Vous dites que je ne suis pas fou pour la simple raison que vous me croyez fou. Pourtant, je ne suis pas fou. Mais si cela me plaisait, pour une autre simple raison, je vous dirais que je suis fou, que certainement plus tard, et je sais pourquoi, je deviendrai tout à fait fou. Et eux tous ensemble. C'est évident, mon cher, vous êtes fou. Qui de nous n'est pas un peu... Et comme on crie feu, fou. Fou et puis pas fou. C'était clair, il plaisantait. Il voulait éviter le problème de la montre. Il ne répondit plus. Il se mit dans un coin. Il écouta. Puisqu'il parlait, inévitablement, ils en arriveraient au problème de la montre. C'était des écrivains, c'est entendu. Ils lurent de leurs œuvres. C'est entendu. Il y avait des musiciens. C'est entendu. Ils firent de la musique. C'est entendu. Ils savaient tous qu'ils étaient réunis pour traiter le problème de la montre, et pas un ne se risqua à parler du problème de la montre. On lui dit « Et vous, mon cher, vous nous lirez quelque chose ?» Il était écrivain, c'est entendu. Il lut quelque chose, c'est entendu. Ils étaient là, tous, à savoir ce que l'on donne à manger à une montre, et quand il eut fini, pas un ne se résolut à parler de ce que l'on donne à manger à la montre. Quelqu'un lui dit « J'aime ce conte. » Il ne s'agissait pas de ce conte. Il s'agissait de la montre, et sans doute le pensait-il à haute voix, car tous éclatèrent. « Sacré farceur !» Alors l'ami sortit. Il revint avec quelque chose. Il dit. « Voilà du café. Voilà une montre. Vous prétendez que l'on donne du café à une montre. Donnez donc ce grain de café à la montre. » Enfin, on parlait de la montre. Mais il n'était pas un farceur, il n'était pas fou. On ne donne pas du café à manger à une montre. Surtout, on ne donne pas en public du café à manger à une montre. Il fit. « Ce que vous demandez n'est pas sérieux !» Ils eurent l'air de comprendre. « Allons, parlons d'autre chose. » Mais ils pensaient à la montre. Il y avait là un monsieur, ils se mirent à parler de Taine. Était-il nécessaire que ce monsieur parlât de Taine ? Vous, monsieur, si je vous interrogeais, vous me diriez, n'est-ce pas qu'il faut... Taine ? Continua le monsieur qui parlait de Taine. Il y avait là une dame. Elle jouait du piano. Était-il nécessaire que cette dame jouât du piano ? Vous, madame, si je vous interrogeais, vous me diriez qu'il ne faut pas... Pam, pam, pam, poursuivit la dame qui jouait du piano. Il vit alors que la dame était germaine, qu'elle écoutait, le front dans la main, le monsieur de Taine secouait la tête, et les autres en cercle secouaient également la tête. Ils avaient l'air de battre la mesure, mais ils ne la battaient pas. Ils se faisaient des signes. « Attention, plus un mot, nous ne dirons plus un mot de la montre. » Pourquoi ? Pourquoi conspirait-il ainsi ? Pourquoi s'obstiner à ne pas parler d'une chose aussi simple, ce que l'on donne à manger à une montre ? Il lui suffit d'un mot, de quelques mots, de beaucoup de mots, pour vider enfin la question. On était venu pour cela. Ah, c'était clair. Avant son arrivée, il s'était concerté. Avec son valet, il a rendu sa femme malade. Nous le châtirons. Il suivait un plan. Un plan réglé par ce monsieur qui s'obstinait à parler de Taine. Il fallait en finir. Il sauta debout. « Vous parlez de Taine, monsieur, et vous savez bien que je ne suis pas... » Et comme on crie feu, « Fou !» Et voilà qu'en sautant debout, « fou » fut un mot avec des pieds comme les siens, des mains qui prolongeaient les siennes, qui battaient l'air, frappaient sur la table, finirent par renverser une tasse de café, et sans doute... cet ignoble café qu'il prétendait lui faire donner à manger à la montre. L'affaire était bête, mais elle devenait grave. Il se tourna vers Germaine. « Avec ces gens, rien à faire. Sortons !» Il sortit. Il marchait sur une route. Il faisait nuit. Il allait tout à fait bien, je vous l'assure. Germaine le tenait par le bras. Attention, elle était lasse. Il l'avait rendue malade avec son histoire de Valère. Il n'allait pas recommencer avec l'histoire de la montre, il dit. Germaine, je t'en prie, rien qu'une fois. Avoue qu'il faut donner à manger à une montre. Elle eut l'air de ne pas comprendre, elle répondit. Écoute, il y a là-bas une mare. On entend les grenouilles chanter. C'est parce que la nuit est tiède. Il dit. Possible que l'on entende chanter les grenouilles lorsque la nuit est tiède. Il ne s'agit pas de cela. Tu m'appelais petit fieu du bon Dieu. Il y a Dieu, il y a l'existence de Dieu. Les uns disent oui, les autres non. Si tu rejettes la question de la montre, comment savoir si Dieu existe, oui ou non ? Elle fit très grave. Je sais, Dieu existe. Alors sois logique. Si Dieu existe, le problème de la montre importe. La montre n'est plus une montre, elle est un fait. Qu'elle mange ou ne mange pas, un autre fait. Que Dieu existe, un autre fait. Ni les premiers, tu nies le dernier. Regarde le ciel, regarde la terre. Pour une montre, tu nies le ciel et la terre. Alors enfin, elle comprit. Elle regarda le ciel, elle regarda la terre. Elle eut le geste de Dieu qui va tirer du néant le ciel et la terre. Elle dit, n'y pense pas. Tu sais, entends-tu ? Tu sais qu'on ne donne pas du café à une montre, que l'on ne donne rien à manger à une montre. Quelquefois, il arrive qu'on mette un rien d'huile dans une montre. De l'huile, comme pour une salade quand on a invoqué le ciel et la terre. Il éclata de rire. Mais il n'était pas fou. On ne jette pas le marc dans l'évier, pas le café dans la montre, pas l'huile dans une montre. On ne donne pas à manger à une montre, il savait bien. On remonte une montre. Alors pourquoi s'obstinait-on ? Pourquoi le blaguer ? On donne de l'huile à une montre. Il y avait là de quoi réfléchir. Mon Dieu, comme il y avait là de quoi réfléchir. Un peu plus tard, il pensa au monsieur qui parlait de Taine, il dit. Il m'en veut à cause de l'histoire de Valère. Toi aussi tu m'en veux. Je t'ai rendu malade. Mais j'ai donné mon cerveau et Valère est un mot. Autour de ce mot, j'ai groupé d'autres mots. De mots en mots, cela a fait un Valère et ses pouces en folie autour du cou d'une vieille femme. Je te jure que Valère qui n'existe pas n'a pas tué une vieille femme. Que moi qui existe, je n'ai pas tué de vieille femme. Mais si tu veux, avec des mots, de mot en mot, je tuerai Valère. Elle dit « Oui, avec des mots, tu peux tuer Valère. Tu écriras un conte. Auparavant, tu te reposeras. Tu verras un docteur. En attendant, sois calme. Pense avec moi avec sérénité. » « Avec sérénité. Ah !»